Arnoux parla de choses indifférentes, puis avertit sa femme qu'il rentrerait fort tard, ayant un rendez-vous avec M. Oudry. Chez lui ? Mais certainement, chez lui. Il avoua, tout en descendant l'escalier, que, la maréchale se trouvant libre, ils allaient faire ensemble une partie fine au Moulin Rouge. Et comme il fallait toujours quelqu'un pour recevoir ses épanchements, il se fit conduire par Frédéric jusqu'à la porte. Au lieu d'entrer, il se promena sur le trottoir en observant les fenêtres du second étage. Tout à coup, les rideaux s'écartèrent. « Ah, bravo! Le père Oudry n'y est plus. Bonsoir !» C'était donc le père Oudry qui l'entretenait. Frédéric ne savait que penser maintenant. À partir de ce jour-là, Arnoux fut encore plus cordial qu'auparavant. Il l'invitait à dîner chez sa maîtresse, et bientôt Frédéric hanta tout à la fois les deux maisons. Celle de Rosanette l'amusait. On venait là le soir, en sortant du club ou du spectacle, on prenait une tasse de thé, on faisait une partie de loto. Le dimanche, on jouait des charades. Rosanette, plus turbulente que les autres, se distinguait par des inventions drôlatiques, comme de courir à quatre pattes ou de s'affubler d'un bonnet de coton. Pour regarder les passants par la croisée, elle avait un chapeau de cuir bouilli. Elle fumait des chibouks, elle chantait des tyroliennes. L'après-midi, par désœuvrement, elle découpait des fleurs dans un morceau de toile perse, les collait elle-même sur ses carreaux, barbouillait de phare ses deux petits chiens, faisait brûler des pastilles ou se tirait la bonne aventure. Incapable de résister à une envie, elle sanglait d'un bibelot qu'elle avait vu, n'en dormait pas, courait l'acheter, le troquait contre un autre et gâchait les étoffes, perdait ses bijoux, gaspillait l'argent, aurait vendu sa chemise pour une loge d'avant-scène. Souvent, elle demandait à Frédéric l'explication d'un mot qu'elle avait lu, mais n'écoutait pas sa réponse, car elle sautait vite à une autre idée en multipliant les questions. Après des spasmes de gaieté, c'était des colères enfantines. Ou bien elle rêvait, assise par terre, devant le feu, la tête basse et le genou dans ses deux mains, plus inerte qu'une couleuvre engourdie. Sans y prendre garde, elle s'habillait devant lui, tirant avec lenteur ses bas de soie, puis se lavait, à grande eau, le visage, en se renversant la taille comme une naïade qui frissonne. Et le rire de ses dents blanches, les étincelles de ses yeux, sa beauté, sa gaieté, éblouissaient Frédéric et lui fouettaient les nerfs.